إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de son auteur l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dans le cours d'hier, nous avons vu le premier chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé la réalité du Tawhid. Il a ensuite dit rahimahullah ta'ala dans le deuxième chapitre le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché. Donc après nous avoir exposé l'obligation du tawhid et la réalité de son sens, le shaykh rahimahullah ta'ala va nous exposer dans ce chapitre des textes qui nous donnent envie de mettre en pratique ce tawhid, et ce en nous démontrant ses mérites et les péchés qu'il permet d'expier. Il a donc mentionné à ce sujet un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et quatre hadiths du messager d'Allah que nous allons lire aujourd'hui inshallah ta'ala. Il a commencé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum tadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc tout d'abord, pour bien comprendre ce verset, il faut comprendre quel est le sens de l'injustice qui est visée dans celui-ci. Ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi, qui ont dit « La ilaha illallah » et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une quelconque injustice. Quelle est l'injustice qui est visée ici? La réponse est venue dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. En effet, à l'écoute de ce verset, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont trouvé cela difficile et ont dit au messager: qui parmi nous, au messager d'Allah, ne commet pas d'injustice envers lui-même? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: ce n'est pas cela, mais l'injustice ici est le polythéisme, le shirk. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur vertueux, il parle ici de Luqman, qui a dit à son fils, en l'exhortant, « Inna shirka la dhulmun azim. » Certes, le shirk, le polythéisme, est une injustice immense. Donc celui qui s'écarte du polythéisme, qui ne trouble pas la pureté de sa foi par une quelconque forme de polythéisme, que ce soit du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur, alors cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils ont la sécurité et que ce sont eux les bien guidés. Ils ont la sécurité, c'est-à-dire ici-bas et dans l'au-delà. Ils seront préservés du châtiment. Et ce sont eux les bien guidés, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de l'égarement. Et ils auront en termes de sécurité et de guidés ce qui correspond à leur degré en religion et leur degré dans la foi. C'est-à-dire que la sécurité complète, elle n'est obtenue que par celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en ayant concrétisé le tawhid et sans avoir persisté à commettre un grand péché. Quant au monothéiste qui a commis certains péchés desquels il ne s'est pas repenti, alors il aura sa part de sécurité et de guidé à hauteur de sa concrétisation du tawhid. Et il perdra en termes de sécurité et de guidé à hauteur de ses péchés. Méditez sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit au verset 32 de sourate Fatir: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Puis nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. فمنهم ظالم لنفسه. Parmi eux, certains sont injustes envers eux-mêmes. ومنهم مقتصد. D'autres se tiennent sur une voie moyenne. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et d'autres devancent tous les autres par leurs bonnes actions, par la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On voit donc, dans ce verset, que trois catégories de personnes nous sont mentionnées. La première, c'est la catégorie de ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont mélangé entre les œuvres pieuses et les mauvaises. Ils sont croyants, ils voient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, ils accomplissent des bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils accomplissent aussi des péchés. Ils désobéissent à certains ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils transgressent certains interdits. Alors ceux-là, au jour de la résurrection, ils seront sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il les pardonnera. Et si Allah veut, de par sa sagesse et son équité, il les châtiera à hauteur de leurs péchés, mais il les sauvera de l'éternité en enfer par quoi? Par leur tawhid. Par le fait qu'ils aient voué un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le muwahhid, le monothéiste, celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui voue l'ensemble de ses adorations à Allah seul en dehors de tout autre que lui, celui-ci il ne pourra pas rester éternellement en enfer. Mais sa destination finale sera obligatoirement le paradis. Et ceci te montre un des mérites immenses du tawhid. Le fait que le monothéiste sera sauvé du feu de l'enfer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il était dans ce bas monde injuste envers lui-même et qu'il commettait des péchés. La deuxième catégorie, c'est ceux qui se tiennent sur une voie moyenne. C'est-à-dire qu'ils accomplissent ce qu'Allah a rendu obligatoire, ils délaissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ils n'ajoutent pas à cela. Et la troisième catégorie, qui est la plus éminente, et ce sont les monothéistes, qui vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui en plus d'accomplir leurs obligations, et de délaisser les interdictions, ils ont parfait leur foi, en accomplissant les œuvres surérogatoires, et en délaissant ce qui est détestable pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, ils obtiendront la sécurité complète. Ils n'auront pas de châtiment, car ils auront concrétisé pleinement le tawhid par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ils seront préservés de l'égarement. Cela, ils seront donc bien guidés ici-bas et bien guidés dans l'au-delà et entreront au paradis bi'ithnillahi ta'ala. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de ce verset, c'est que le tawhid, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et à t'écarter de toute forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, ceci est une cause pour obtenir la sécurité et la guider. La sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà, en étant préservé du châtiment du feu de l'enfer. Soit en étant préservé totalement du feu de l'enfer, soit en étant préservé de l'éternité dans le feu de l'enfer. Car comme on a dit, le monothéiste, sa destination finale sera le paradis. Incha'Allah ta'ala. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith rapporté par Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui atteste que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, seul, sans associé, et que Muhammad est son serviteur et son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, ainsi que sa parole qu'il envoya à Maryam et une âme provenant de lui. Que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient les œuvres qu'il faisait. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith immense un des mérites du tawhid. Car celui qui prononce cette attestation, Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis. Et il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ala ma kana min al-amal. Et les savants ont expliqué cette phrase de deux manières. Le premier sens est que même s'il commettait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala le fera tout de même entrer au paradis, quelles que soient les œuvres qu'il faisait. Comme on a dit, le monothéiste, sa destination finale sera inévitablement le paradis. Même s'il va en enfer pour être châtié en raison de certains de ses péchés, il n'y restera pas éternellement, mais il ira ensuite au paradis. Et le deuxième sens est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis en fonction des œuvres qu'il faisait. C'est-à-dire que son rang au paradis, il dépendra de ses œuvres. Plus ses œuvres étaient bonnes et nombreuses, plus son rang sera éminent au paradis. Quoi qu'il en soit, ce hadith nous prouve que le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne lui donner aucun associé, c'est une cause pour entrer au paradis. Car si tu médites sur le sens de cette attestation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith, tu te rends compte qu'elle repose sur les points fondamentaux du tawhid, points fondamentaux de notre religion. Toutefois, il est important de souligner que ce ne sont pas des simples mots à prononcer avec la langue, mais ces mots, ils ont un sens. Et de par leur importance, on va s'arrêter brièvement sur les sens des différents points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans ce hadith. Il a donc dit celui qui atteste que la ilaha illallah. Celui qui atteste, c'est-à-dire que cette attestation, elle doit être prononcée avec science, certitude et véracité. Celui qui prononce cette parole avec ignorance, qui ne connaît pas son sens, qui ne sait pas ce qu'elle veut dire, qui ne sait pas ce qu'elle implique, alors celui-ci, cette parole, elle ne lui sera d'aucune utilité. De la même manière, celui qui prononce cette parole mais qui est en doute quant à celle-ci, il ne sait pas si elle est réellement véridique. Celui-là également, elle ne lui sera pas profitable. Car s'il ignore son sens ou qu'il doute de la réalité de son sens, alors il est menteur dans son attestation. Comment peut-il attester d'une chose qu'il ignore ou d'une chose sur laquelle il doute? Donc lorsque tu prononces cette attestation, tu te dois de connaître son sens, d'avoir la certitude que ceci est la vérité, et n'avoir aucun doute à ce sujet, et être véridique, c'est-à-dire que ta langue soit en accord avec ce qui se trouve dans ton cœur. Tu attestes donc que la ilaha illallah. On a vu hier le sens de la ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah. Lorsque tu dis la ilaha, tu renies, tu rejettes l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis illallah, tu affirmes que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc dit qu'elle reposait sur la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'affirmation que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu dis Wahdahu la sharika lah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Celui qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, seul, sans associé. Et ceci, c'est une confirmation du sens de la ilaha illallah. Tu as dit qu'aucun Dieu n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Ensuite, tu dis seul, sans associé. Lorsque tu dis seul, c'est une confirmation de illallah. Seul Allah est en droit d'être adoré. Et lorsque tu dis la sharika la, sans associé, c'est une confirmation de la ilaha. Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Allah n'a pas d'associé. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Ensuite, tu dis, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et que Muhammad est son serviteur et messager. Tu attestes que Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah, c'est-à-dire que c'est un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, mais il ne peut pas être adoré. Il n'a pas de droit à l'adoration. Et c'est également un messager. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour transmettre son message. Tu attestes donc de cela avec certitude et véracité. Et ceci implique que tu suives le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tu crois en tout ce dont il nous a informés. Que tu te soumettes à ses ordres. Que tu délaisses ses interdits. Et que tu n'adores Allah subhanahu wa ta'ala qu'à la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a légiféré. Et que tu ne fasses prévaloir la parole de personne parmi les hommes sur la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car tous les hommes, en dehors des prophètes et des messagers, alayhimu salatu wa salam, ils sont susceptibles de se tromper. Lorsqu'ils prononcent un avis, il se peut qu'ils aient juste et il se peut qu'ils se trompent. Quant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé de l'erreur. Et il nous a ordonné de lui obéir et de le prendre pour modèle. Et il a menacé ceux qui délaissaient son obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 36 de Surat al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni à un croyant, ni à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire qu'on nous incombe de nous soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'aux ordres de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit faire prévaloir la parole d'aucun homme sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est la parole d'une personne respectable, d'une personne de science. Si sa parole s'oppose à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors sa parole est rejetée. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit « Je suis étonné de gens qui connaissent la chaîne de transmission à l'isnad, ainsi que son authenticité, puis qui ensuite prennent l'avis de Sofiane. » Sofiane, rahimahullah ta'ala, qui est un des imams parmi les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. L'imam Ahmed, rahimahullah, il dit donc « Je suis étonné de ces gens qui connaissent la chaîne de transmission et son authenticité, ils connaissent la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, ils vont prendre l'avis de Sofiane. » Ensuite, il a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit au verset 63 de Surat An-Nur: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre, c'est-à-dire à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il dit ensuite: sais-tu ce qu'est l'épreuve? L'épreuve dont il est question dans ce verset. Il dit l'épreuve, c'est le shirk, c'est le polythéisme. Il se peut que si la personne rejette une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors la déviance s'installe dans son cœur et il périra. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Combien de personnes ont pensé que cela était insignifiant? On commençait tout d'abord par s'opposer à certains hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis en rejeter d'autres, puis à altérer le sens d'autres hadiths et ainsi de suite, jusqu'à finir par prononcer des paroles de mécréance, wal'iyadu billah. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela. Lorsque tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas une parole vaine, mais c'est une parole qui exige de toi certaines choses. Et parmi ces choses, le fait que tu mettes sa parole au-dessus de la parole de tout homme, qui qu'il soit. Et que le jugement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit au-dessus du jugement de tout homme, qui qu'il soit. Et ceci fait partie des choses impliquées par cette attestation, qui est le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de notre religion, qui est malheureusement négligé par beaucoup de personnes s'affiliant à l'islam, Allah al-Musta'an. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith, celui qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, seul, sans associé. Que Muhammad est son serviteur et messager. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Et que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Ceci est une preuve de la croyance authentique et de la vérité concernant le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, Jésus en français. C'est un serviteur d'Allah et c'est son messager. Lorsque l'on atteste que c'est un serviteur d'Allah, on réfute ainsi les chrétiens qui ont considéré Isa comme étant lui-même Allah, ou alors étant le fils d'Allah, ou alors le troisième des trois. Et tout ceci sont des croyances erronées adoptées par certains groupes parmi les chrétiens, wal'iyadu billah. Donc le musulman, il atteste que Isa est le serviteur d'Allah. Ce n'est pas lui Allah, ce n'est pas le fils d'Allah, mais c'est un des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, tu attestes que c'est un messager d'Allah. Et il y a en cela une réfutation des juifs qui ont mécru en Isa, qui l'ont dénigré, qui l'ont rabaissé. Les musulmans, quant à eux, ils ont reconnu la prophétie, le message de Isa alayhi salam. Nous attestons que Isa est un serviteur d'Allah et son messager. Et ceci est la croyance véridique qui nous a été exposé dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Surat al-Nisa au verset 171, ou encore dans plusieurs versets de Surat al-Ma'ida et également de Surat Maryam concernant Isa alayhi salam. Tu dis ensuite dans cette attestation: wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ainsi que sa parole qu'il envoya à Maryam. Quelle est cette parole dont il est question ici? Cette parole, c'est la parole kun, soit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit soit, et Isa alayhi salam fut. Et c'est une âme venant de lui. C'est-à-dire une âme parmi les différentes âmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, et qu'il a fait sortir des reins de Adam, alayhi salam, et desquels il a pris l'engagement qu'il est leur Seigneur et leur Dieu unique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 172 de Surat al-A'raf. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des enfants d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Donc Isa alayhi salam, il fait partie de ces âmes qui ont témoigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur Seigneur. Donc, c'est une des âmes provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce qui est visé dans ce hadith. Ensuite, tu attestes que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs croyants au jour de la résurrection. Il y a dans celui-ci des palais, différentes sortes de fruits, des désirs éternels et parmi les plus grands bienfaits dont jouiront les croyants au paradis, le fait de pouvoir voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au feu de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour ceux qui ont mécru en lui et lui ont donné des associés. Donc ceux qui ne croient pas au paradis et à l'enfer, ils ont alors mécru au Coran, mécru au messager et mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans de nombreux versets de son livre qu'il a préparé le paradis pour ses serviteurs croyants et que c'est la demeure des pieux et qu'il a préparé le feu de l'enfer en guise de châtiment pour ceux qui ont mécru en lui et lui ont donné des associés. Le musulman, il doit donc croire que le paradis et l'enfer sont vérité. Et ceci fait partie de la croyance au jour dernier qui fait partie des piliers de la foi. Donc celui qui prononce cette attestation, qui atteste que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé, que Mohammed est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah et son messager, ainsi qu'une parole qu'il envoya à Maryam et une âme provenant de lui, que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quelles que soient ses œuvres, même si en parallèle de cela il a commis des péchés. Tu vois donc à travers cela l'importance du tawhid, l'importance du culte exclusif que tu dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ses mérites, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour ses serviteurs monothéistes un paradis éternel au nombre d'hélices. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith. Et il dit, il rapporte aussi, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, d'après Idban, radiyallahu ta'ala anhu, Allah a certes interdit au feu quiconque dit « La ilaha illallah » recherchant par cela le visage d'Allah. On voit donc très clairement dans ce hadith un autre des mérites du tawhid. Allah a certes interdit au feu. C'est-à-dire que celui qui meurt sur le tawhid, qui meurt monothéiste, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de le toucher. Et ceci est un mérite immense. Toutefois, comme on a mentionné, il ne suffit pas de dire « La ilaha illallah » avec sa langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a d'ailleurs précisé ici. Car il a dit, Allah a certes interdit au feu quiconque dit la ilaha illallah, recherchant par cela le visage d'Allah. C'est-à-dire qu'il est véridique et sincère dans sa prononciation de cette parole. Et ceci est impératif. Que tu dises cette parole avec sincérité. C'est-à-dire que lorsque tu renies le fait qu'il y ait des divinités méritant l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu affirmes que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. La sincérité exige de toi que tu t'éloignes de toute forme de polythéisme. Et tu dois être véridique, c'est-à-dire que ta langue doit être en accord avec ton cœur. Celui qui n'est pas sincère, c'est un mushrik, c'est un polythéiste. C'est-à-dire qu'il prononce cette parole, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah » mais après il invoque autre qu'Allah. Il sacrifie pour autre qu'Allah, il invoque les djinns, il fait des sacrifices pour les djinns ou pour les sorciers, ainsi de suite. Celui-là, il n'est pas sincère dans sa prononciation de la ilaha illallah. Donc elle ne lui est d'aucun profit. D'autres disent « Ashhadu an la ilaha illallah » mais ils n'y croient pas, ils ne sont pas véridiques. Et cela est la situation des hypocrites. Ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils seront au plus bas fond du feu, wal'iyadu billah. Donc celui à qui profite cette parole, c'est celui qui l'a dit avec sincérité et véracité. et qui met en pratique ce qu'implique cette parole. Quant à celui qui la prononce, mais qui en parallèle de cela commet des choses qui s'opposent à cette parole, comme on a dit qu'il commet du shirk, qui sacrifie pour les djinns, qui invoque les morts, ou autre parmi les formes de polythéisme, alors celui-ci, cette parole, ne lui sera d'aucun profit, wallah al-musta'an. Et telle est la situation de nombreuses personnes aujourd'hui, parmi les adorateurs de tombes, parmi les Quburiyya, ceux qui vouent le culte aux morts, aux saints et aux vertueux, ou alors ceux qui vouent leur culte aux djinns, qui ont peur des djinns, alors, lorsqu'ils rentrent dans une nouvelle maison, par exemple, pour se préserver du mal des djinns, ils vont sacrifier une bête, afin de se préserver du mal des djinns. Et ceci est une forme de polythéisme majeur. Celui-là, même s'il dit la ilaha illallah, cette parole ne lui est d'aucun profit, jusqu'à ce qu'il se repente sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il délaisse toute forme de polythéisme. Et on reviendra sur ces différentes formes en détail au moment venu, car ce sont des sujets que le shaykh rahimahullah ta'ala a abordés dans ce livre. Il a mentionné ensuite un troisième hadith, et il a dit, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Moussa a dit, ô Seigneur, enseigne-moi une chose par laquelle je me rappellerai de toi et t'invoquerai. Il lui dit, ô Moussa, dis la ilaha illallah. Il dit, ô Seigneur, tous tes serviteurs disent cela. Il dit alors, ô Moussa, si les sept cieux et ceux qui s'y trouvent en dehors de moi, ainsi que les sept terres, étaient posés sur un plateau de la balance, et que la ilaha illallah était posée sur l'autre plateau, elle pencherait du côté de la ilaha illallah. Et le cheikh nous dit que ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim, rahimahumallahu ta'ala, qui l'a authentifié. Et les gens de science ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. Nombre de savants ont mentionné que ce hadith n'est pas authentique, mais qu'il est faible. Toutefois, il peut être remplacé par un hadith au sens relativement proche, qui est le hadith de la carte, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Amr, radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné qu'au jour de la résurrection, un homme sera appelé devant toutes les créatures. On lui montrera alors 99 registres. C'est-à-dire 99 registres sur lesquels sont inscrits les mauvaises actions. Et chacun de ces registres s'étendra à perte de vue. On lui dira ensuite, nies-tu quelque chose de cela? C'est-à-dire, nies-tu quelque chose parmi ces choses qui sont inscrites dans ces registres? Il dira alors, non, ô Seigneur. On lui dira alors, as-tu une excuse ou une bonne action? As-tu une excuse justifiant que tu aies commis ces péchés, ces mauvaises actions? Ou alors as-tu une bonne action qui pourrait l'emporter sur ses mauvaises actions? Alors l'homme répondra que non. On lui dira alors, mais si, tu as auprès de nous une hasana, tu as auprès de nous une bonne action, et aucune injustice ne te sera faite. On lui sortira alors une carte sur laquelle il est inscrit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a de Dieu en droit d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Il dira alors, ô Seigneur, que vaut cette carte face à tous ces registres? 99 registres, chacun de ces registres, s'étendant à perte de vue. Que vaut cette carte face à tous ces registres? On lui dira alors, tu ne seras point lésé. Aucune injustice ne te sera faite. Les registres seront alors posés sur un plateau de la balance, et la carte sera placée sur l'autre plateau. Et la balance penchera du côté de la carte. Allahu Akbar. Et ce hadith, comme on a dit, rapporté par l'imam At-Tirmidhi, il est authentique. Et on voit à travers celui-ci le mérite du tawhid, le mérite de la parole du tawhid, la ilaha illallah. Cette carte l'emportera face à tous ces registres de mauvaises actions. Ceci nous montre le mérite immense du tawhid, et que le tawhid est une grande importance, et qu'il ne doit pas être négligé. Il incombe aux musulmans de prendre conscience de l'importance du tawhid, de l'apprendre et de le mettre en pratique dans son quotidien, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. Enfin, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un quatrième hadith, et il dit, rahimahullah, At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, rapporte le hadith suivant, qu'il a jugé bon, d'après Anas, c'est-à-dire Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, Allah a dit, ô enfant d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre comme péché, mais que tu me rencontres en ne m'ayant donné aucun associé, je viendrai à toi avec son équivalent, pardon. voyez à travers ce hadith le mérite du tawhid, qui est la cause du pardon des péchés, aussi nombreux soient-ils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte ici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit que si l'on vient à lui avec l'équivalent de la terre comme péché, mais que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala en ne lui ayant donné aucun associé, c'est-à-dire en t'étant écarté de toute forme de polythéisme. Tu n'as donné aucun associé à Allah. Toutes tes adorations, tu les as vouées exclusivement à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala viendra à toi avec l'équivalent pardon et te pardonnera l'ensemble de tes péchés. Et ceci confirme le sens du hadith que l'on vient de mentionner, le hadith de la carte. Et ceci te montre très clairement le sens de la ilaha illallah. Cette parole qui est plus lourde dans la balance que l'ensemble des péchés. Et que cette parole implique le délaissement de toute forme de polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, qu'il soit peu ou abondant. Et telle est la perfection du tawhid. Que tu voues l'ensemble de tes œuvres exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'implique cette attestation. Malheureusement, beaucoup de gens sont négligents face à cela. Ils ne se rendent pas compte de la valeur de cette parole. Ils la prononcent sans méditer sur son sens et sans comprendre réellement ce qu'elle implique. Mais celui qui concrétise cette parole, c'est celui qui la prononce avec sincérité, en connaissant son sens, en ayant la certitude de la vérité de cette parole, en étant véridique lorsqu'il la prononce, en aimant cette parole, en aimant ce qu'elle implique, en acceptant son sens et en se soumettant à ce qu'implique cette parole en termes d'ordre et d'interdit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui prononce cette parole de cette manière, alors il aura certes concrétisé le tawhid bi'inillahi ta'ala. Et on verra demain, dans le chapitre 3, incha'Allah ta'ala, que celui qui concrétise le tawhid, il entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et ceci fait également partie des mérites immenses du tawhid. On a donc vu dans la leçon d'aujourd'hui différents mérites du tawhid. Parmi ceux-ci, ce que l'on a vu dans le verset, que c'est une cause pour obtenir la sécurité ici-bas ainsi que dans l'au-delà et que c'est une préservation de l'égarement. C'est une cause pour être bien guidé. Dans le premier hadith, on a vu que le tawhid est une cause pour entrer au paradis quelles que soient tes œuvres, aussi nombreux soient tes péchés. Tant que tu vois un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, alors ta destination finale sera le paradis. Dans le deuxième hadith, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au feu de toucher le monothéiste, c'est-à-dire que le monothéiste sera préservé du feu de l'enfer. Ou bien, il n'y entrera pas du tout, ou bien, il n'y entrera que temporairement à hauteur de ses péchés. Dans le troisième hadith, on a vu que la ilaha illallah est ce qu'il y a de plus lourd dans la balance, et que cette parole est plus lourde que l'ensemble des mauvaises actions. Et enfin, dans le quatrième hadith, on a vu que le tawhid est une cause pour obtenir le pardon de tes péchés, aussi nombreux soient-ils, à condition que tu t'écartes de toute forme de polythéisme. Ceci est donc le résumé des points que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a exposés dans ce chapitre, nous démontrant les mérites du tawhid. Et tout ceci est en réalité une réfutation de la secte des Khawarij, qui taxe de mécréance le musulman qui commet un grand péché. Car comme vous l'avez vu, à travers ces différents textes, celui qui meurt sur le tawhid, même s'il commettait des péchés, sa destination finale sera le paradis, incha'Allah ta'ala. Et telle est la croyance authentique, la croyance des gens de la sunna et du groupe qui s'opposent en cela aux khawarij qui considèrent que le musulman qui commet un grand péché sort de l'islam et ira éternellement en enfer, wal'iyadu billah. Et tous ces hadiths que l'on a vus aujourd'hui contredisent leur croyance erronée et démontrent la véracité de la croyance des gens de la sunna. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. On verra le chapitre suivant dans le cours de demain. Bi'inillahi ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.